vice versa. Underground québécois. Hey yo, son, why don't try to be the champion? You won't wear the gun, but for real man, you run a baby, yo, son, boy. Oh yes, hey yo, son, boy. Yo, je frappe comme une matraque quand j'ai au cœur cette sensation de folie furieuse dans le corps, comme si je pétais les plombs, telle une vraie bombe lyricale. J'explose sur ton canal, je m'infile dans ton cerveau et je m'empare de ton encéphale. Pourquoi? Parce que trop de monde maintenant ont tendance à oublier. C'est pour cette raison qu'ainsi agit le DAV. Je remets les points sur les i et les barres sur les t. Je dénonce les produits bas de gamme, y compris les pubs trop poussés. Certains grands dans cette histoire resteront dans le noir, je les respecte. Après tout, c'est eux qui nous donnent l'espoir. Je sais que vivre dans l'ombre ce sera jamais une chose facile, mais tant que la dernière manche. J'ai pas joué, j'garde confiance et reste agile dans le mille. Voici le seul endroit où je vais. Je sais que j'ai touché la cible quand la foule se met en délire. Plusieurs MC prennent le mic pour leur propre souvenir. Mais Dieu soit loué, certains le font en pensant à l'avenir. Conscient que ce qu'on appelle les portes se propage comme la peste. Le vice-versa répand l'infection, tel un virus qui prend pas de sieste. Tous ceux qui avalent des rimes, on leur a fait boire des pains. Car sur le mic on flot autant que les eaux perdues d'une femme enceinte. Hey, hey yo, son, why don't try to be the champion? You won't wet the gun, but for real man, you run a baby, yo, son, boy. Oh yes, hey yo, Soundboy. 6-6-6, le chiffre de la bête. Nous vivons nos dernières fêtes, Soundboy. Machette à la main pour s'assurer que son prochain n'aura plus jamais de dette. Dans les rues des agents plus bons que 07. Le gouvernement donne tout l'argent aux vedettes, tandis que dans les rues, plus rien à manger dans les assiettes. Si j'étais Bob, je n'aurais pas shot le shérif. Sans spliff aux soins intensifs, je l'aurais employé. Car en étant plus mystique que le voodoo, même avec les loups-garous, je fais joujou. Comme un hibou, je reste éveillé la nuit. Et quand vient le jour, je trouve ça chouette. Dans les rues, moins de craquettes et moins d'enfants perdus. Pourquoi y a-t-il des vrais et des faux? Trop de défauts. Y'en a qui sont malheureux à cause de certains peureux. Notre monde est comme une bombe, l'impossible à désamorcer. Que même les cieux ne représentent plus le paradis rêvé. Je crois mes vrais amis, quand même la cause à Nostra ne peut mettre un contrat sur ma tête. Le hip hop d'aujourd'hui est plus fucked up que du rock et encore plus populaire que du hey, rock. Hey, hey, hey yo, son, boy, don't try to be the champion. You walk with the gun, but for real, man, you run a baby, yo, son, boy. Aye, aye, aye, oh, yes, hey, yo, son, boy. Me office say, son, why you my run? Hello, buddy, boy, yes, son, boy, pick up your gun. Tu fais, souvent tu penses, tu sais. Au lieu de rêver de ta gloire, faudrait que tu dises que tu t'y mets. C'est pas sur un temps studio avec des bons micros. De nos jours, la technologie fait que n'importe qui sonne pro. T'es le meilleur de ta clique, ben les clics, y'a plus de gang. D'MC aux alentours que donne de coups de poing Jackie Chan. Des compresses, faut pas que tu te penses trop. Tu vas te péter la tête puis tomber dans le caniveau. Des faux qui parlent trop, mais qui point de vue action sont zéro. C'est pas en faisant le jolet, tu vas devenir un héros. Le hip hop est un gâteau, tout le monde veut son morceau. Mais seulement pour l'obtenir, des gars comme moi doivent payer gros. Pendant que tu manges pour vivre, certains vivront pour te manger. Faut que tu surveilles tes arrières, tu sois prêt à tout parer. Dans ce domaine, les choses vont aussi vite qu'une balle. Tu suis pas les conseils, mais tes shit vont finir mal. Hey yo, son, why don't try to be the champion? You won't win the